redescend. Il ne faut pas se laisser faire. Je ne fais que ce que je veux, que ce qui me plaît, que ce que je veux, que ce qui me plaît. Je ne fais que ce que je veux, que ce qui me plaît, que ce que je veux, que ce qui me plaît. Depuis tout petit, j'ai obéi, écouté et puis appris. Je me suis instruit sur les soucis, les ennuis de la vie. Un jour j'ai grandi, je me suis ressaisi et j'ai choisi un nouvel état d'esprit. Alors quand tu m'as dit il est temps pour moi d'aller travailler, j'ai réfléchi, je me suis dit de ne pas y aller. Ce boulot je l'ai pas choisi et tu veux m'y forcer. Mon job à moi c'est le soul life au styling. Dans la musique, les paroles et la vibe, reality. Mon job à moi c'est le soul life au styling. Dans la musique, les paroles c'est la vibe, reality. On ne force pas, on n'oblige pas les gens à faire ce qu'ils ne veulent pas faire. On ne force pas, on n'oblige pas les gens à faire ce qu'ils ne veulent pas faire. Je ne fais que ce que je veux, que ce qui me plaît, que ce que je veux, que ce qui me plaît. Je ne fais que ce que je veux, que ce qui me plaît, que ce que je veux, que ce qui me plaît. Mais laisse-moi tranquille, je te dis fous-moi la paix. Mais laisse-moi tranquille, j'aime ma liberté. Mais laisse-moi tranquille, je te dis fous-moi la paix. J'aime ma liberté. On ne force pas, on n'oblige pas les gens à faire ce qu'ils ne veulent pas faire. On ne fait que ce qu'il y a de mieux à faire, ce qu'on aime faire. On ne peut que être heureux, on a tous un savoir-faire. On ne fait que ce qu'il y a de mieux à faire, ce qu'on aime faire. On ne peut que être heureux, on ne peut qu'en être fier. On ne fait que ce qu'il y a de mieux à faire, ce qu'on aime faire. On ne peut que être heureux, on a tous un savoir-faire. On ne fait que ce qu'il y a de mieux à faire, ce qu'on aime faire. Ne faut pas se laisser faire. Je ne fais que ce que je veux, que ce qui me plaît. Je ne fais que ce que je veux, que ce qui me plaît. Mais laisse-moi tranquille, je te dis fous-moi la paix. Mais laisse-moi tranquille, j'aime ma liberté. Mais laisse-moi tranquille, je te dis fous-moi la paix. J'aime ma liberté. Je ne fais que ce que je veux, que ce qui me plaît. Je ne fais que ce que je veux, que ce qui me plaît.